Le verbe dire, c'est Decir. Decir. Et qu'est-ce que vous dites, ou qu'est-ce qu'il ou elle dit, c'est Que dice. Étant donné que le verbe est decir, ça devrait être Que dice. Mais pour des raisons d'évolution phonétique, c'est devenu dice. Donc, c'est bien dice. D-I-C-E. Dice. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous posez la question à usted, c'est Que dice? Que dice? Que dice? Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous dites? Que dice? Que dice? Hein? Avec qu'est-ce que qui se dit que. Pour dire ce que, on dit lo que. Ça s'écrit en deux mots, lo, L-O, et que, Q-U-E. Lo que. Mais on prononce lo que. Par exemple, si vous voulez dire je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous dites, ça sera lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, d'accord. Mais pero. Pero. Pero. Je ne comprends pas. No comprendo. No comprendo. No comprendo. Comprendo. No comprendo. Mm-hmm. Ce que, lo... Lo que. Lo que, ce que, vous dites. Deci... Non, dice. Bien, lo que dice. Hein? C'est bien dice. D-I-C-E. C'est une forme un peu particulière. Donc, no comprendo lo que dice. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous vous adressez toujours à usted. No sé. No sé. Ce que. Lo que. Vous voulez. Quiere. C'est ça. No sé lo que quiere. Et comment direz-vous ce n'est pas ce que je veux? No es. No es. Ce que. Lo que. Je veux. Quiero. Bien. No es lo que quiero. Ce n'est pas ce que je veux. No es lo que quiero. Comment direz-vous qu'est-ce que vous voulez? Que hace... Non. Que quiere? D'accord. Que quiere? Et que voulez-vous dire? Que quiere decir? Oui, dites-le encore une fois. Que quiere decir? Que quiere decir? Hein, bien. Que quiere decir? Que voulez-vous dire? Alors, comment direz-vous je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire? No comprendo. No comprendo. Très bien. Muy bien. C'est ça. Hein? No comprendo muy bien. C'est que. Lo que. Lo que. Hein? Ce que. Vous voulez dire que lo que vous voulez dire lo que quiere decir decir hein? D'accord hein? Je ne comprends pas no comprendo très bien muy bien ce que lo que vous hein? Usted voulez dire quiere decir ce que vous voulez dire lo que quiere decir no comprendo muy bien lo que quiere decir. Et comment direz-vous, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Comprendez? Oui, mais accentuez un peu plus nettement. Comprende? C'est ça, hein? Comprende ce que je veux dire, ce que... lo que... Je veux dire. Quiero decir. Bien. Comprende? Est-ce que vous comprenez? Lo que quiero decir, ce que je veux dire. Comprende lo que quiero decir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas ce que je veux dire. No es. Ce que je veux dire. Lo que quiero decir. C'est ça. No es. Ce n'est pas. Lo que. Ce que. Quiero decir. je veux dire, no es lo que quiero decir. Alors, parler, c'est Hablar. Hablar. Donc, je parle, c'est Hablo. Hablo, hein? Hablo. Hablo. Ok, hablo. Et comment dit-on préparer? Préparar. D'accord, préparar. Et je le prépare. Lo preparo. Dites-le encore une fois. Lo preparo. Oui, mais le final doit s'entendre bien distinctement, hein, sans pour autant insister dessus. Lo preparo. Lo preparo. D'accord. Lo preparo. Donc, après avoir insisté sur l'avant-dernière syllabe, on doit entendre clairement la terminaison. Lo preparo. Je le prépare. Et comment direz-vous « je suis en train de le préparer » ? Estoy preparando. Estoy preparando est correct. Mais ça c'est « je suis en train de préparer ». Comment direz-vous « je suis en train de le préparer » ? Si « je le prépare », c'est « lo preparo », « je suis en train de le préparer », ça sera Estoy... Voyons, à nouveau. Comment dit-on « je le prépare » ? « Lo preparo ».« Lo preparo », tout à fait, avec « lo » devant le verbe. Alors, « je suis en train de le préparer », ça sera Lo. Lo estoy preparando. Voilà, lo estoy preparando. Ça, c'est la forme du présent qu'on utilise dans le sens de être en train de. Tandis que lo preparo, c'est la forme du présent simple.